Genèse chapitre 12. Or l'Éternel avait dit à Abraham, sors de ton pays, et d'avec ta parenté, et de la maison de ton père, et viens au pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham donc partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot alla avec lui, et Abraham était âgé de 75 ans, quand il sortit de Charan. Abraham prit aussi Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient acquis, et les personnes qu'ils avaient eues à Charan, et ils partirent pour venir au pays de Chanaan, auquel ils entrèrent. Et Abraham passa au travers de ce pays-là, jusqu'au lieu de Sichem, et jusqu'en la plaine de Morée, et les Chananéens étaient alors dans ce pays-là. Et l'Éternel apparut à Abraham, et lui dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Et il se transporta de là vers la montagne, qui est à l'orient de Bethel, et y tendit ses tentes, ayant Bethel à l'occident, et Haï à l'orient, et il bâtit là un autel à l'Éternel, et invoqua le nom de l'Éternel. Puis Abraham partit de là, marchant et s'avançant vers le midi. Mais la famine étant survenue dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour s'y retirer, car la famine était grande au pays. Et il arriva, comme il était près d'entrer en Égypte, qu'il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une fort belle femme, c'est pourquoi il arrivera que quand les Égyptiens t'auront vu, ils diront, « C'est la femme de cet homme. » Et ils me tueront, mais ils te laisseront vivre. Dis donc, je te prie, que tu aies ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que, par ton moyen, ma vie soit préservée. » Il arriva donc qu'aussitôt qu'Abraham fut venu en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était fort belle. Les principaux de la cour de Pharaon la virent aussi, et la louèrent devant lui, et elle fut enlevée pour être menée dans la maison de Pharaon, lequel fit du bien à Abraham à cause d'elle, de sorte qu'il en eut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, à cause de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham, et lui dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit, « C'est ma sœur? Car je l'avais prise pour ma femme, mais maintenant, voici ta femme, prends-la, et t'en va. » Et Pharaon ayant donné ordre à ses gens, ils le reconduisirent, lui, sa femme, et tout ce qui était à lui.